Buenas noches. Bonsoir. Je suis très content de voir toute une quantité de gens qui viennent pour la première fois à Clandestino. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds, mais vous savez ce que vous venez voir. Et c'est pour ça que vous êtes là. Alors, moi, je vais découvrir, parce que je ne connais pas, c'est la première fois. Donc, j'ai grand plaisir de recevoir les Colettes qui chantent Magny. Et on les reçoit avec une ovation. Merci. Oui. Perdu. Je comprends rien. Toutes ces manifestations depuis un an contre les réformes du gouvernement, le rouge et le noir qui scandent des slogans, le jaune, Fanion, Dieu en a marre des petites gens, on ne peut pas se serrer la ceinture et baisser son pantalon, on nous prend pour des concitoyens, concitoyennes, composés de consommateurs. La liberté, c'est par où? La liberté, c'est pour quelle heure? Je suis perdu. Je comprends rien. Pourtant, je trace sans GPS. Je sais qu'il y a pire que ma petite détresse, mais le cancer du voisin soulage pas mon rhume des foins. J'aimerais vivre simplement, pour que d'autres puissent simplement vivre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gandhi, mais si j'avais été Gandhi, je l'aurais dit, citoyen, dit citoyenne. Migrateur tout couleur. La fraternité, c'est pour quelle heure? Je suis perdue, dans une voie sans issue. Quand je suis née, j'ai crié, puis je me suis tue pendant des années. Quand j'ai voulu crier, je savais plus. Tout comme mes oncles, l'éducation m'était passée dessus. Quand la mère est partie, quand le père s'est remarié, j'ai pas crié. Quand sa femme m'a battue, quand ses frères m'ont attrapée, j'ai pas crié. Une fille, ça crie pas, c'est pas joli, une fille qui crie. Mais un garçon, oui. Mes sœurs, oui, mes frères. L'égalité, c'est pour quelle heure? Et c'est par où le bonheur? Je pose la question. Comme on lance au hasard une note vers les cintres d'un opéra abandonné, avec le secret espoir qu'une voix réponde. Comme quand les dieux des contes répondaient au peuple qui les questionnait. C'est par où le bonheur? Et une voix me répond. Celle de Colette Magny, dis donc. Le bonheur. J'en vois pas des tonnes quelque part. À part que c'est du... Enfin, je sais pas les choses, mais c'est difficile de toute façon de parler du bonheur. Mais il y en a peu quand même. Enfin, je trouve que c'est difficile d'être heureux dans ce monde. Difficile. Ce qui est difficile pour moi, Colette, c'est de trouver ma voie. Très difficile, ça. Depuis l'enfance, j'arrive pas. Et toi, comment t'as fait? Tiens, puisque t'es là, Colette, donne-moi la voix. Donne-moi la voix de dedans. Dans l'âge de l'enfance. C'est l'âge féroce. On cloue les papillons, on ampute les mouches de leurs ailes, on noie les fourmis. Dans l'adolescence, c'est la faute de l'enfance. Si on est prêt à tout tuer, à tout aimer. Thank you. l'univers Colette Mani. Ses débuts en 1958 à Paris. 1958. C'est la guerre. Mon père, indigène d'Algérie, quitte sa terre de naissance pour fuir la misère et la violence de cette guerre. Mon père, indigène, débarque à Paris sans savoir ni lire ni écrire, mais il veut s'en sortir, alors il travaille dans les usines, sur les chantiers, et le soir, pour apprendre à parler le français, il fréquente les cafés, les théâtres et les cabarets. Dans la journée, mais ton grand kiff à toi, c'est de faire de la musique. Ah, les musiciens, heureux avec eux, heureuse, parce qu'avec eux, ce que t'aimes par-dessus tout, c'est chanter. Thank you. se trouve, Colette, tu l'as croisé, mon père, quand il fréquentait les cabarets. Avec ses compagnons d'exil, des jeunes pleins de vigueur, insolents, bosseurs, rieurs. Comme ceux que Victor Hugo décrit dans son poème Les Tuileries. Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremblant uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise Blanche dîner chez Richard. La guerre d'Algérie, c'est fini. Les faux dieux rentrent chez eux. Mon père décide de rester ici. Croise ma mère. Coup de foudre entre la France et l'Algérie. Coup de tête, ils font un enfant. Coup de gueule, s'en mettent plein la tête. Œil pour œil, dent pour dent, les coups pleuvent entre mes deux parents. La guerre, c'est reparti. Insécurité permanente pour l'enfant que je suis. Insécurité infinie. La sécurité, c'est où? C'est quoi? Hé, hey, la voix, qu'est-ce que t'en dis? 36 ans, secrétaire dactylographe bilingue à l'OCDE, je réfléchis toute une nuit à la notion de sécurité. Au petit matin, je considère que cette notion n'existe pas et je donne ma démission. Je choisis de devenir chanteuse professionnelle. Dis maman, la maîtresse, elle a dit un tiers du monde meurt de faim. C'est pas possible, elle s'est trompée. Moi, je partagerai bien mon dîner. Mon enfant, les choses ne sont pas si simples. Quand tu seras grand, tu comprendras. Bien sûr, je suis majeure, mais je n'ai toujours pas compris. Dites-moi, ma mère, il y a du minerai au Katanga. Alors pourquoi les balubas mangent les soldats, l'ONU, machin. Il y a une croisade contre la faim. Quand tu auras terminé tes études, on en reparlera. Bien sûr, j'ai terminé, mais nous n'en avons jamais reparlé. Enfin, papa, pourquoi l'Inde refuse-t-elle les excédents de beurre qu'on lui offre? Je nomme l'incidence du politique sur l'économique. Bien sûr, je suis majeure, mais je n'ai toujours pas compris. Comment comprendre? À qui t'as demandé, Colette? Tchekhov, Musset, Jésus-Christ, Dostoïevski. Ton cœur, c'est laquelle génie? Aime vraiment ton prochain comme toi-même. C'est une vérité qu'on nous a transmise, mais elle n'a pas pris. Tant d'enfants sont morts, tant d'hommes devenus fous. On peut être heureux s'il est malheureux. Dans un jardin. Mais le coton, où elle est, maman? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien. Viens. Papa, il a une grosse voix. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Je n'étais pas une chanteuse engagée, mais une chanteuse politique. Je chante parce que j'ai besoin, j'ai envie d'ouvrir ma gueule et beugler. Bah, pour ça, il faut tout de même dire quelque chose. Alors je fais état de choses dont je suis témoin ou qui me touchent. Salem ! Comme ils disent dans le journal, tu faisais un métier dur, mais passionnant. Tu en es mort maintenant. Salem ! Salem ! Salem ! Comme touriste, c'est terminé. C'est par l'ONU qu'on peut être appelé élu, sauf en cas de marché déprimé. Je rase les murs, j'ai peur, j'ai pas les papiers. Pour vagabondage, on va m'arrêter. Ça les arrange pourtant, les Français, qu'on fasse tous les boulots salissants. Foyer, pas de visite, un loyer cher. Je rase les murs, j'ai peur, j'ai pas les papiers. En situation irrégulière, j'ai plus qu'à courir jusqu'à la frontière. Est-ce que j'ai encore le droit d'aimer ? Quitter le pays, j'y gagnais bien ma vie. J'étais bien qualifiée, j'avais double salaire. Je connaissais bien mon métier. Je suis venue en France, je n'avais pas le choix. Tous mes amis, je suis malheureux comme un chien. Le travail est dur, j'en ai marre d'être en exil. Je perds le sommeil, la nuit me semble longue. Peut-être, frère, ne te reverrai-je jamais. Ma femme sage et mignonne, je te porterai sur mon dos, même si la route est pleine d'épines. Nous monterons à chameau, on se promènera. Mort maintenant. Salem ! Salem ! 1952. Un crochet avait cédé. On a dû remplacer le four. En 1972, tu t'es fait écraser par le couvercle du four, soulevé par des chaînes trop faibles. Salem ! Salem ! Salem ! 20 ans, c'est long pour une chaîne. Pour le patron, elle n'était pas usée. La vieille chaîne Salem a eu ta peau. La vieille chaîne et toi écrasée par le couvercle du four. Je ne chercherai pas une autre place ailleurs, Salem, je te vengerai. Je rase les murs, j'ai peur, j'ai pas les papiers. Est-ce que j'ai encore le droit d'aimer ? Est-ce que j'ai encore le droit d'aimer ? Aimer quoi ? Aimer qui ? À quoi ça sert d'aimer ? Aimer, c'est prendre le risque de perdre un vivant à tout moment. Instant qui fauche la vie en plein vol. La mort se fiche des sentiments. Quand elle se pointe, ça crie en dedans. C'est pas possible, c'est pas possible. Le cri me pète la tête, le mur du son se fait doubler. Un couvercle interne a explosé. La boîte de Pandore s'est déversée. Ah, mêlée de démons refoulés qui se présentent à leur valet. Salut, je suis le rejet. Moi, c'est le viol. Moi, les coups. Nous, c'est les traumas. Tchuss, moi, c'est l'abandon. Poussez-vous, je suis la dépression. Je suis leur valet. Ils habitent tous chez moi. De ma psyché, ils sont les rois. Strates de crasse entassées depuis des années, héritées par les anciens. Et maintenant, va falloir tout nettoyer. Ça va me coûter une blinde en produits ménagers. Et pendant que je fais l'inventaire de la boîte de Pandore éventrée, j'ai juste envie de tout péter. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux vomir. Tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Tu peux gémir, tu peux crier, tu peux maudire. Tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Décadence, décadence, décadence. Le problème n'est pas celui du citoyen, mais celui de l'homme ou de la femme. Lorsque l'humanité sera enfin passage. Nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Renaissance, renaissance, renaissance. Quand tu pourras douter et croire, douter et agir, douter et vouloir, tu seras sauvé lorsque l'humanité sera enfin sage. Nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Les cris qui se savent inécoutés enveloppent un horrible silence. Je ne sais plus ce que je crois, mais je crois que j'ai pas grand-chose. À mesure que je découvre le répertoire de Colette Mani, ces mots m'éclairent, papa. Mon cri cherche d'autres cris, comme quand on cherche dans le monde un ami. Oh, tout ce monde dans la rue Colette Mani aujourd'hui. Toutes ces colères qui secouent notre société aujourd'hui sur les ronds-points, comme à ton époque, en 68, sous les pavés. 68, en mai, par l'espoir, tout le monde parlait. Toi, Colette, tu racontes qu'un soir, tu revenais de chanter. Il y avait des blessés, des gosses matraqués, c'est ça? J'ai eu peur, je ne suis même pas allée ramasser les blessés. Dans les usines, je me suis planquée, pour les travailleurs chanter. Je me souviens, dans l'usine Thompson à Saint-Ouen, il y avait un ouvrier qui m'écoutait, le visage baigné de larmes. Il me dira plus tard que c'est sa vie qu'il entendait chanter. Le bagne, c'est fini maintenant. Nos ouvriers ont du temps. À 4h le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8, à la Rodia Zeta. Mardi, mercredi, 4h, 12h, jeudi, vendredi, 12h, 20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h, repos jusqu'au jeudi matin. Effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. travail en feu continu, à plus de 30 degrés et 70% d'humidité. On devient tous nerveux. Nos ulcères fleurissent, nos ulcères s'épanouissent. À la rodiace tend, à la rodiace tend. Aimer qui? Aimer quoi? Aimer son travail? Au point d'accepter d'être une machine? La machine nous enlace comme un boa. Fais gaffe au chrono. Ah, j'ai chaud. Si je vais pisser, tu crois que la chaîne s'arrêtera? Ah, pisser. Flac, flac, flic, flac. Mais tu peux pas pisser comme ça tout le temps. Tu ronds les cadences. Ah. Un ouvrier hurle vers l'émigré. Pousse-toi de là, des gars comme toi, ici on n'en veut pas. C'est vous qui nous piquez tout le boulot. Si tu pars pas, je te jette en bas. Des émigrés, on ne reste plus les Gaulois entre nous, on ne reste plus les Gaulois entre nous. Dans la rue, dans la rue, dans la rue, dans la rue, dans la rue, les manifestants reprennent le répertoire révolutionnaire français. C'est la lutte finale. On peut chanter faux, c'est la lutte finale. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera. Dire à Colette Mani. Mais ils sont les manifestants dans la rue Colette Mani. Ils chantent également, mais pas les chansons d'avant. Non, non, ils chantent les chansons d'aujourd'hui. Il y en a, chansons révolutionnaires, comme par exemple celle d'Ashka et des Saltimbanques. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout là,

je ne suis plus perdue. Parce que je n'ai plus besoin d'arriver quelque part. L'errance est la plus engagée des aventures. L'autre est un détour vers soi-même. Je t'ai choisi, Colette, sans mesure. Et je te remercie, Mani. Parce que grâce à toi, j'ai compris que toutes mes peurs venaient de la mort. Et que la mort n'a qu'une peur, que la vie la dévore. La mort me hante, la vie m'épouvante. Dans ses limites acceptées, je vivrai pleinement ma vie. En douleur attentive, en plaisir épanoui. L'autre me fait chier, j'ai moins d'espace. Mais qu'est-ce que je ferais toute seule? Mais qu'est-ce que je ferais toute seule? J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. Continuer de contester. Oh oui. Je continue de le croire, même si c'est peu efficace. Bravo. Alors, je vous présente mes partenaires, Serge Balsamo. Bravo! Jean-Luc Bernard. Bravo! Jean-François Toulouse de Bordeaux qui est en régie. Ouais! Bien sûr, Faïza Kadour. Des deux banlieues, et j'appelle bien sûr sur scène notre ami Diego qui nous a accueillis. Merci, bravo Diego! Merci, merci pour cette surprise. Je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Alors, muchas gracias. Gracias à tous. Et merci le public d'être venu si nombreux. Alors, il y a quelques personnes qui connaissent le clandestin, des habitués, mais pas nombreux. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous venez de connaître un nouveau lieu. Et ici, vous avez remarqué qu'on ne paye pas à l'entrée, c'est parce qu'on paye à la sortie. Après avoir vu le spectacle, si on a aimé, on paye en fonction de, du plaisir. Mais non, il y a, voilà, vous avez trouvé la caisse. Il n'y a pas de chapeau ici, c'est la caisse. On passe à la caisse à la fin. Hein. Et il va être là sous le comptoir, à gauche. Et là, avec une petite indication pour vous aider. Comme je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de suivre ça au pied de la lettre. Vous pouvez mettre beaucoup plus. Ça sera tous très heureux. Voilà, et si vous voulez connaître notre programmation, il y a un cahier juste à côté pour laisser l'adresse mail. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Muchas gracias. À bientôt. Ce soir, qui est du Québec ici, hein, c'est sympa. Et je vais rejoindre, mais avant de rejoindre, j'aimerais savoir si des personnes parmi les spectateurs ont rencontré Colette Mani ou l'ont vu en concert. Oui. Alors, vous pouvez nous raconter ? Oh, c'est trop loin. Non, je l'ai vu en concert à Sigma à Bordeaux. Oh, à Sigma en plus. Hein. Donc c'était en 74-73. Ah oui, pas... Tu es petite ? Pas petite, mais je suis pas très vieille. D'autres personnes l'ont vu ? Il faut que je bouge. Diego, salut. Salut, Païsa. Bon, ça rentre à Casbah. Ok. Ça groove, ça rock. Ok, Diego. On l'a vu plusieurs fois. Vous l'avez plusieurs fois. Où ça? On était venu une fois à la place des fêtes, à l'époque où il commençait à ravager la place des fêtes. Et elle était venue avec un petit jeune qui débutait, qui s'appelait Maxime Le Forestier. Et elle avait chanté dans un café, et c'était en 75, un peu comme ça. Oui, c'était les pleines années. Ouais. Ah, donc vous l'avez vu dans un café. C'était blindé le café ou il y avait de la place? Elle était blindée, le café. Oui, forcément, puisque de toute façon, il y avait tous les militants de Place des Fêtes. D'accord. C'était où? C'était Place des Fêtes à Paris, 19e. Ah, d'accord, Place des Fêtes à Paris. Eh bien, écoutez, si vous voulez boire un verre, Diego, tu as acheté du vin? Oui, oui. Voilà. Allez voir notre ami Diego.